Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour le 44e numéro de Sur nos écrans, un numéro qui sera consacré au bilan de la deuxième saison d'Agent Carter, la série dérivée d'Agents of S.H.I.E.L.D. sur ABC. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 44e numéro de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'll be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then they'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gotta catch on. Et avec moi cette semaine, Arnaud. Salut. Et Elodie. Bonsoir. Avant de parler d'Agent Carter, on va se faire notre petit bilan de la semaine, comme d'habitude. On n'a pas fait la semaine dernière, donc ça fait un petit moment du coup qu'on n'a pas fait le point un petit peu sur ce qu'on regarde, ce qu'on a rattrapé et tout ça. Donc pareil, 2-3 minutes chacun, histoire de faire un petit point sur les dernières choses qu'on a vues. Arnaud? Cette semaine, il n'y avait pas grand-chose, puisque Flash est en pause. Mais comme on n'en a pas parlé la semaine dernière, j'ai beaucoup aimé les derniers épisodes. Sans trop rentrer dans les détails, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer dans le retour à la fin du mois et surtout si les théories que je peux faire vont se concrétiser ou pas par rapport à comment à Zoom, Wally et compagnie. Et sinon Arrow, j'ai toujours pas repris depuis, enfin je dois avoir 6 ou 7 épisodes de retard. Legends of Tomorrow, j'ai pas repris depuis le podcast, donc depuis l'épisode 3. Supergirl, j'ai pas repris depuis la mi-saison et de ce qu'on m'en dit, j'ai de moins en moins envie. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste? The Walking Dead, qui est bien, étonnamment. Ce début de seconde partie de saison est plutôt pas mal. Merci. Je suis le premier surpris et choqué, même si bon, il commence à retomber dans des travers et je m'attends à ce que ça soit nul de nouveau d'une minute à l'autre. Mais il y a pas mal de choses que j'apprécie dans les derniers épisodes. Donc en espérant que ça continue, même si j'ai peu d'espoir. On connaît le passif de la série. Puis bah Carter, et John Carter, mais on va en parler plus longuement là, donc je vais rien dire en particulier. Ok, et toi Elodie? Je suis étonnamment à jour dans Flash. Ouais. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite partie sur Earth 2. Sinon, bah après le reste, c'est... Ouais, tes séries sont en pause pour le reste. Non, le reste de Flash, je veux dire, le reste du Flash comme d'habitude, donc ce n'est pas excitant. Arnaud, je suis quand même plus à jour que Arnaud, même si je dois avoir quand même 2-3 épisodes de retard. Voilà, je n'ai pas grand-chose à en dire pour le moment. Je pense que j'en abandonne plusieurs. J'avais déjà lâché Supergirl au bout de 3 épisodes. Je pense que je réserve le même sort à Legend of Tomorrow que je n'ai pas repris depuis l'épisode 3 et que d'ailleurs je ne télécharge même plus. C'est pour vous dire à quel point la série m'intéresse. Et comme Arnaud, bah bon, ce n'est pas une surprise, le début de deuxième partie de saison de The Walking Dead est très bon. Donc voilà, toujours contente d'y retrouver chaque semaine la série. Et je n'ai pas peur de ce qui va arriver justement, au contraire. Même s'il y a des épisodes plus lents où il se passe moins de choses, ils se concentrent plus peut-être sur des histoires de cœur, ce qui a été très peu vu quand même dans The Walking Dead, ça ne me dérange pas. Ok. Pour ma part, je vais pas parler de ce que je regarde pas comme Arrow, j'ai arrêté depuis la mi-saison, je sais pas si je vais reprendre d'ailleurs, on verra. John Carter pas vu. J'ai recontinué je suis à jour sur Walking Dead effectivement moi aussi et effectivement c'est très bon. Ah, ça me fait plaisir vraiment. Très bon dans le sens où il se passe énormément de choses en peu de temps. Et finalement, là, en quelques épisodes, il s'est passé autant de choses que presque en 2 saisons à un moment dans la série. Ça avance très très très vite, notamment par rapport à la mise en place de Negan et toute la mythologie autour, le Hilltop et compagnie. Là, on va très très vite et on est très très proche des comics. Là, pour le coup, autant on a pu avoir sur le début de la série un écartement par rapport au média original, autant là, on colle plutôt... plutôt très bien à ce qui se passe. En même temps, si on ne voit pas Negan avant l'épisode 16, mais on peut broder plusieurs épisodes. Hein. Comme dans la BD, hein, on en a parlé, mais on ne le voyait pas forcément beaucoup au début. Ouais, très bien. Non, c'est bien, c'est intéressant, c'est très intéressant. Quoi d'autre? Je suis presque à jour sur Supergirl, il doit me rester un ou deux épisodes de retard. Je suis plutôt content de ce que je vois à chaque fois, donc c'est cool là aussi. Et puis, j'attends Agents of S.H.I.E.L.D., je suis un petit peu sur les dents. Et Gotham est revenu lundi dernier sur Fox. Et je suis triste que Léo soit pas là, mais je lui ai déjà dit ce que j'avais pensé de l'épisode. Je vous réservais la surprise pour aujourd'hui parce que je l'ai adoré. Étonnant. Je l'ai trouvé très bon, cet épisode de retour. Vraiment. Gotham, ça me paraît bizarre dans la même. Vraiment, vraiment très bon. Les origines de Mr. Freeze sont là. Elles sont bonnes. Elles sont fidèles à ce qu'on connaît du personnage. Hugo Strange s'annonce assez intéressant aussi. Les conséquences de ce qu'a fait Gordon sont plutôt bien exploitées et ça risque d'amener des choses aussi dans la police de Gotham, mais notamment vis-à-vis de son supérieur. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui étaient super intéressantes et super bien faites dans cet épisode-là. Et j'ai très vite compris pourquoi. Hein. C'est un épisode sans Bruce, sans Selina et sans Lee Tompkins. Les trois sont là. Et ça a super bien fonctionné du coup. Donc en fait, il faudrait pas que ce soit Gotham, mais c'est une toute autre série. Là, on se rapprochait peut-être plus d'un Gotham Central que d'un Gotham avec Bruce, quoi. Donc du coup, c'était super bien, et du coup, j'ai envie de voir le prochain, maintenant. Mais il y aura Bruce et compagnie. Oui, ils vont revenir, donc voilà, ça marchera forcément moins bien. À suivre, donc. À suivre. Allez, on va parler maintenant de Agent Carter. Vous avez vu la saison 2 tous les deux. Mm-hmm. Je ne l'ai pas vu, donc je vais vous laisser tranquillement en parler, nous parler de ce qui s'est passé cette saison, de ce que vous en avez pensé, de la conclusion, est-ce qu'elle vous a plu ou pas. A priori, peut-être qu'on pourrait avoir des divergences d'avis entre vous deux sur cette fin de saison. Donc, non, voilà. Je pense pas. Je vous laisse parler de tout ça tranquillement, vous faites ça dans l'ordre que vous voulez, je vais essayer de pas trop écouter, parce qu'un jour je regarderai quand même cette saison 2 et j'aime pas trop être spoilé. Donc voilà, je vais écouter d'une oreille très très peu attentive. Allez-y, Agent Carter, alors saison 2, bien ou pas bien? Très bien, j'ai envie de dire. Bah moi c'est pareil, dans la continuité de la saison 1. Ah non, je la trouve supérieure. J'avais été un peu déçu par la première saison, qui faisait d'ailleurs 8 épisodes seulement. Oui, mais j'avais trouvé que... C'est mieux. Comment? Plus de Peggy, c'est sûr, c'est mieux. Oui, oui, mais j'avais trouvé qu'il n'y avait que 8 épisodes. Pourtant, j'avais trouvé que l'intrigue ouais, méritait pas d'avoir autant d'épisodes. L'intrigue de la saison 1, je trouvais qu'ils avaient vraiment mis énorme, enfin qu'ils avaient vraiment dilué l'intrigue dans les 8 épisodes et ils avaient pris des chemins exprès pour que ça prolonge pendant les 8 épisodes et j'en pouvais plus. C'était une histoire qui aurait pu durer la moitié, voire un petit peu plus, mais 8 c'était beaucoup trop. C'est le défaut de cette saison, moi. Cette saison 2 ? Ouais, l'intrigue est intéressante, hein, donc ça me pose presque pas de soucis, mais je trouve qu'ils l'ont fait trop durer sur trop d'épisodes et des trucs à rallonge et on reprend, on refait et je sais pas. Et c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, je me souviens, on avait parlé de 3 ou 4 premiers épisodes et j'étais d'accord, j'avais trouvé que ce début de saison était un peu long à se mettre en place, mais une fois qu'ils ont mis tous les éléments en place à partir du 4e épisode, pendant toute la seconde partie de saison, voire un peu plus puisqu'on a 6 épisodes, je trouve que les épisodes s'enchaînent et moi j'ai adoré cette intrigue. Après je l'ai pas du tout détesté, j'ai trouvé ça très intéressant, les personnages dont Frost, je ne sais plus comment elle s'appelle. Whitney. Oui, voilà. Whitney Frost est une méchante, entre guillemets, hyper intéressante du fait qu'il y a la matière zéro, sinon elle est inoffensive. Oui. Mais elle est intelligente, voilà, c'est la scientifique intelligente qui s'intéresse à la science, qui s'intéresse aux conséquences justement de la matière zéro sur elle, sur les autres, qu'est-ce qu'elle peut en faire. Après, voilà, la question de pouvoir... Mais oui, et puis pareil pour Doty, c'est bien ça? Doty... Underwood, oui. Qui arrive dans le premier épisode, qu'on revoit dans plusieurs épisodes au milieu de saison, et limite c'est dommage qu'on ne la voit pas assez, quoi. Comme oui, ça aurait pu être un ajout intéressant, mais après c'est toujours un personnage. Je pense que c'est le genre de personnage Je vais faire une comparaison que tu ne comprendras pas, mais c'est comme dans Doctor Who, c'est le genre de personnage à la River Song que tu adores voir apparaître dans un épisode. Tout de suite, dès qu'elle est dans un épisode, cet épisode est formidable, mais tu sais que si tu la vois dans chaque épisode pendant toute une saison, le personnage va perdre de sa saveur et de son intérêt, et je pense que Dottie Underwood, c'est la même chose. Quand elle apparaît dans une intrigue formidable, chaque scène qu'elle a avec Peggy Carter est vraiment géniale, avec plein de sous-entendus et le regard qu'elles se font. Enfin, j'aime beaucoup la complicité que les deux actrices ont, mais j'imagine et je pense que si elle avait été dans chaque épisode ou qu'ils nous avaient fait quelque chose comme Betty Underwood, elle a plus vraiment d'appartenance aux communistes, du coup, et elle a une fascination pour Peggy Carter, elle va un peu se ranger sans être totalement devenue gentille, enfin du côté des gentils, elle va quand même un peu se ranger pour faire partie de l'équipe de Peggy Carter et devenir en soi gentille. Moi, ça m'aurait pas plu de voir ça. Alors que là, elle reste égale à elle-même, et justement le fait qu'on la voit si peu permet de pas dénaturer le personnage pour qu'elle devienne gentille, juste pour qu'elle reste aux côtés de Peggy Carter. Du coup, le fait qu'on la voit par tranche en fait de quelques épisodes, je sais plus, on la voit 3 épisodes à tout casser, quelque chose comme ça, enfin on la voit dans le premier épisode et après on la revoit pour son arc qui fait 2 épisodes si mes souvenirs sont bons. Et du coup, ouais, peut-être 2-3. Et du coup, le fait qu'on l'ait vu une première fois et qu'ensuite il y ait eu 2-3 épisodes d'espace et ensuite qu'on la revoie pour un mini arc, c'était suffisant. Alors que si on l'avait vu vraiment sur, je sais pas, 8 épisodes sur 10, ça aurait été beaucoup trop et ça aurait vraiment, je pense, profondément changé le personnage et j'aurais pas voulu voir ça. Alors qu'on comme il y a peu d'apparitions, chacune de ces apparitions est magnifiée en fait, si tu vois ce que je veux dire. Je vois, non mais je suis d'accord, c'est pour ça que ça rend un personnage, enfin ce personnage en tout cas intéressant. Après voilà, comme on l'aime bien, enfin on l'aime bien, façon de parler. Oui. Vu qu'on aimerait peut-être l'avoir plus, après en effet peut-être que l'avoir plus serait pas une bonne idée, là-dessus je ne sais pas. Et on ne saura sans doute jamais. On ne saura sans doute jamais. Hormis l'intrigue, donc je pense qu'il nous a plu et a plu à tout le monde, enfin, j'espère. Alors, toi qui au début de saison disais « Oh, le Zero Matter, c'est la même chose que la bah, apparemment non, la mais pierre pas, des Inhumains dans Agents of S.H.I.E.L.D. Au final, non. Et dès le début, je t'avais dit que non. Oui, mais j'en savais rien. Moi, je vois un truc qui ressemble physiquement parlant au truc. On n'a aucune explication derrière. Moi, la première fois que je vois ça, je pense forcément à Agents of S.H.I.E.L.D. ne connaissant pas la mythologie. C'est pas dans les comics. Et puis, peut-être que c'est dans les comics, mais je n'en connais pas plus parce que je ne suis pas... Marvel, mais enfin pour moi ça avait aucun rapport puisque l'un est le Zero Matter, c'est liquide, ça vient d'une autre dimension, alors que la pierre dans Agents of S.H.I.E.L.D. c'est un portail dimensionnel, donc pour moi ça n'avait aucun rapport. Et à un moment c'est liquide, enfin bref, à un moment ça ressemble en tout cas, mais passons ce détail, on va pas revenir sur le sujet. En tout cas, tu nous avais parlé d'un lien avec Doctor Strange, je crois. Oui, c'est ce qui avait été annoncé par la production. On est bien d'accord qu'il n'y en a pas eu. Bah, en fait, le lien, c'est le Zero Matter en lui-même. Mais si tu connais pas les comics ou si tu n'as pas lu l'interview des producteurs, tu n'es pas au courant. En fait, c'est juste le Zero Matter qui a un lien avec, Doctor Strange. D'accord. Et sans doute que... Dans le film Doctor Strange, on va nous parler de Zero Matter, et si t'as vu John Carter, ça va te rappeler des choses. D'accord, bah peut-être. Je verrai bien à ce moment-là. On verra à la fin de l'année. Okay. Je pense qu'on va peut-être pas reparler du fait qu'ils sont à Los Angeles, on l'avait évoqué dans le premier podcast, où c'était plutôt une bonne idée de changer de décor. Oui, bah pas... Je pense toujours pareil, c'était une bonne idée de changer le décor, mais ça n'apporte pas énormément de choses. Ouais. Ça ne sert pas énormément. On peut reparler des guests, on a eu l'apparition dans 2 épisodes de Dominic Cooper. Oui, Stark. Howard Stark, qui, bah, à l'image de la saison 1, c'est toujours oui, la voir et c'est toujours drôle. Le dragueur plaisantin, scientifique un peu fou. J'aime beaucoup sa réplique dans le dernier épisode quand il attrape Peggy par la taille et qu'il se dit ne profite pas que je pense quelque chose malsaine. Il dit ah enfin quoi que peut-être là, bah, voilà. Moi il me fait toujours rigoler. J'aurais bien aimé le voir un petit peu plus là, il apparaît dans deux épisodes. Bah je crois que dans la saison 1 c'était ça hein, aussi. Il apparaissait pas davantage dans la saison 1. Je suis pas sûre. Je sais pas. En même temps, là, comme il y a deux épisodes en plus, on aurait peut-être pu avoir un peu plus d'apparitions, au moins 3 ou 4. Exactement. Après, s'il n'y avait pas d'utilité particulière, surtout qu'il y avait un autre scientifique, il y avait Jason Wilkes, donc il palliait... Bah, on a eu 3, même à la fin, on avait 3 scientifiques. Oui, avec l'autre dont j'ai oublié le nom. Oui, en même temps, je pense que tout le monde s'en foutait. Complètement. Je pense que lui, s'il n'aurait pas été dans la série, ça n'aurait pas dérangé. Non, c'était le petit élément comique de la saison. Voilà. Après, bah, y a toujours Anna Jervis, donc la femme de Edwin. Edwin. J'aime beaucoup Anna Jervis. Moi aussi, bah, déjà ce qu'on disait la première fois, mais je trouve qu'en plus, elle a permis de découvrir un nouveau Jervis. Complètement. J'avais peur. Alors, au début de saison 1, il y a des moments où j'avais très peur qu'on ne voit jamais Anna Jervis et qu'à un moment, on tombe dans une intrigue à la Jervis qui tombe amoureux de Peggy Carter. Qu'elle, non, n'ait pas de sentiments, mais que lui, à force de courir avec elle dans plein d'aventures, se mette à tomber amoureux d'elle. Et je suis bien content que les scénaristes ne soient pas tombés là-dedans. Et au contraire, ils nous ont montré... qu'ils nous ont montré Anna Jervis et la relation qu'elle a avec son mari. Même, j'ai l'impression que ils ont dû se rendre compte de cet effet qu'ils ont pu donner dans la saison 1, parce que je me souviens au début de la saison, je sais plus dans quel épisode, peut-être le 2 ou 3, enfin c'est en tout début de saison où Jervis est en train de faire de pratiquer un art martial, il est très peu vêtu tout ça, et à ce moment-là il y a Peggy qui arrive et il lui demande de l'aider à faire une prise de je sais plus quoi, et il se retrouve à tomber sur elle. Et c'est à ce moment-là qu'il y a sa femme qui arrive. Et c'est le genre de scène où, dans d'autres séries, où on aurait pu avoir un faux triangle amoureux où sa femme se met à devenir folle, furieuse et hyper jalouse. Ils sont pas tombés là-dedans. Ils en sont même, je pense que c'était un clin d'œil à l'effet qu'on aurait pu penser dans la saison 1. Et je trouvais ça très malin de pas tomber dans ça. Et au contraire, de créer. Comme tu disais, de montrer Edwin Jervis d'une autre manière, grâce à son pendant, grâce à sa femme, hein, aussi de créer une vraie relation avec Peggy. On sent vraiment qu'il y a une vraie relation qui se crée entre Peggy et Anna. Et ça, je trouvais ça intéressant. Oui, et surtout, Jervis et sa femme sont très différents. C'est-à-dire que quand on les voit pour la première fois, on se dit qu'ils n'ont rien en commun et on se demande d'ailleurs qu'est-ce qu'ils font ensemble. Mais de voir à quel point finalement il est amoureux d'elle, et je sais pas, j'ai l'impression qu'on découvre un nouveau Jervis, ou du moins une nouvelle facette de sa personnalité qu'on ne connaissait pas, et qui est plutôt plaisante. Et de voir, moment spoiler, quand elle se fait tirer dessus, à quel point il est désespéré, à quel point il est capable de se venger, de tuer quelqu'un pour sa femme. Alors qu'on n'aurait jamais pu penser à ça de lui avant. Et de savoir qu'elle ne peut plus avoir d'enfant, au final, lui était presque plus atteint que sa propre femme. Après, c'est dommage qu'on n'a pas vraiment vu les réactions de Anna sur ce sujet. Et j'ai trouvé que limite, ça manquait un peu, mais ils n'ont pas voulu non plus nous faire pleurer dans les chaumières, nous tirer les mains, je sais pas, vouloir faire tout. Voilà, ils ont voulu un peu occulter cette partie, j'imagine, pour ne pas tomber dans du trop glauque. On avait déjà eu un petit peu la réaction de Peggy au moment où il lui annonce. C'est ça. On serait peut-être radoté de remonter. C'était sans doute l'un ou l'autre. Oui. Ils ont préféré montrer Peggy plutôt que Anna. Je suis d'accord. Mais donc voilà, Anna jusqu'au bout restera une des bonnes surprises de cette saison. Ah, je suis d'accord là. Des autres personnages de la série, on va garder le meilleur pour la fin. Donc on peut parler de Sheldon Thompson d'abord. Meilleur pour la fin, c'est pas celui que je garderai. Non, j'ai dit qu'on parle de lui d'abord. Oui, si tu veux. Ah bah, parce que tu préfères regarder Thompson pour la fin ? Non. On s'en débarrasse. Oh, je pense. Non, mais depuis la saison 1, je... pas d'accord. C'est l'élément sur lequel on va pas être d'accord, mais depuis la saison 1, je... Non, ce Chad Michael Murray est mauvais. Oh, c'est le point faible du casting de la série. Personnage cette saison. Non, mais il a. Il, comment le c'est toujours la même chose avec ce personnage. J'ai l'impression d'avoir vu exactement la même chose en saison 1. Pareil, en saison 1, il était contre Carter et Souza. Pareil, il était un peu trop ambitieux et. Il est toujours, et même à la fin, il est toujours. Hein. Oui, mais justement, il apprend jamais, il est con. Il part en mission en URSS avec Peggy et compagnie et il la traite comme une sous-merde parce que c'est une femme, hein, Ah oui, bah il est gros macho, et elle le sauve. Il accepte pas, il le vit mal, mais en fin de saison, il l'accepte et Il il accepte. n'accepte pas vraiment non plus, hein. Enfin, si, il le reconnaît quand même que c'est une bonne agent, et à la fin de saison, tu sens quand même sans qu'il devienne féministe, il y a quand même une évolution de pensée de sa part. Hein. Bien sûr qu'il y a une petite évolution parce qu'elle lui a sauvé la vie, mais. Alors qu'en saison 2, c'est retour à la case départ. Hein, Bah, c'est retour sur le fait que non, et c'est qu'il est ambitieux, qu'il veut évoluer. Il sait pas qu'il fait confiance à Peggy, il y a plus ce. Non, il fait pas confiance à Peggy. Bah, moi, je trouve que beaucoup plus qu'en saison 1, on voit plus la traiter comme il le faisait avant, en lui disant en gros d'amener le café. On Il voit plus l'envoie la à New York pour s'en comme débarrasser. Il l'envoie à Los une Angeles pour s'en débarrasser. Moi, je sais pas, je trouve qu'il la considère comme une vraie agent. Après, oui, d'un côté, je pense qu'il a honte du fait que elle lui a sauvé la vie et voilà qu'il lui est entre guillemets redevable, qu'elle a quelque chose sur lui pour le faire chanter entre guillemets. Voilà, donc il préfère se débarrasser d'elle. Oui. Après, là, on n'est pas d'accord sur l'évolution ou non-évolution du personnage. Mais après, certes, ça pourrait devenir un personnage intéressant justement à cause de ça, de cette honte qu'il a et que cette ambivalence qu'il a. Il sait jamais vraiment à qui faire confiance, s'il peut vraiment faire confiance à Peggy, mais en même temps, il sait que c'est un bon agent. Mais c'est juste que, juste si on prend techniquement. Chad Michael Murray n'a pas le, je trouve qu'il n'a pas le talent pour faire passer ce genre d'émotion, faire montrer la complexité du personnage. Peut-être. Après, je sais pas, je suis sûrement pas objectif. Hein. Moi, ça restera Lucas. Je suis sûrement pas objectif. Après, moi, j'ai aimé le retrouver dans cette série. Et j'ai beaucoup aimé l'évolution sur cette saison 2. Voilà, après, oui, il se cherche. Faut-il lui faire confiance, pas confiance? Enfin, même lui, il sait pas à qui faire confiance ou pas. Est-il du bon, du mauvais côté? Même moi, dans les derniers épisodes, je me suis dit, est-ce qu'il va se retourner contre Peggy? Est-ce qu'il va faire tout pour les sauver? Voilà, même si tu vois le fait de ne pas être sûr, j'ai trouvé ça intéressant. Et au final, bah, il bascule du bon côté. Et voilà, aussi, c'est ce qui fait que le personnage est en quête de rédemption aussi. Et spoiler, voilà, et voilà, la série se termine sur. Enfin, cette saison 2 se termine sur lui qui se fait tirer dessus. J'ai envie de dire non, non! Si. Non, moi je voulais voir plus de Chad Michael Murray, je voulais voir plus de comment son personnage aurait pu évoluer. Et alors en plus, je pense qu'on va réaborder ça après, ça allait juste un gros cliffhanger en fin de saison 2, quoi. Oui, bah grosse frustration. Bon, t'as abordé le sujet, on peut peut-être On rentrer peut dedans passer à maintenant. ça si tu veux, on verra au plus intéressant à la fin. Ouais, on garde le reste pour la plus tard. Mais oui, grosse frustration. Enfin, même si c'est le personnage que j'aime le moins dans la série, ce cliffhanger m'a fait hurler devant mon écran. Ah mais moi aussi, pas au point de verser une petite larme, parce que Ah bon, non, non, pas à ce même point-là. si j'aime bien Chad Michael Murray, j'étais pas attachée à son personnage au point de verser une larme. Mais on nous dit que la série fait des mauvaises audiences, ils arrivent à nous mettre un cliffhanger, même s'ils terminent l'intrigue de la saison, que en gros les personnages pourraient avoir une fin, bim, dernière seconde, ils ouvrent une nouvelle porte. Et qui ne sera peut-être jamais refermé. Donc, j'ai envie de passer un message à ABC, si vous nous Ouais. écoutez. Une saison 3 pour Agent Carter. Même réduite, on veut même moins d'épisodes qu'en saison 1, ça nous fera plaisir quand même. Juste, on veut une conclusion. On veut savoir qui a assassiné. Parce que, ouais, je suis d'accord, c'est très très frustrant d'avoir mis ce Ouais. cliffhanger alors qu'ils savaient déjà que la saison 1 n'avait pas fait de grosses audiences. Ils avaient un coup de chance énorme d'être renouvelés. Et là, ils ont vu les. Donc, ils auraient dû, dès le départ, dans l'écriture, se dire, bon, on a eu un gros coup de chance pour la saison 2. On va peut-être pas tenter notre chance et mettre un gros cliffhanger. Bah, je pense que si. Je pense que justement, ils se disent qu'il y a peut-être encore une chance, qu'ils ont envie et qu'ils ont fait ça aussi pour influencer peut-être. Ouais, mais la chaîne en a rien à foutre. Hein. Oui, mais la série, j'ai l'impression que la série a de bons retours. Alors, c'est dommage parce qu'il n'y a pas d'audience, mais c'est quand même des séries qui, qualitativement parlant, sont plutôt bonnes et ont des très bons retours, même si elles sont suivies par très peu de personnes. Voilà, je pense que c'est le cas entre autres d'Agent Carter, c'est que chaque semaine elle fait beaucoup parler et je pense qu'elle doit bien se vendre à l'international avec la marque Marvel, elle doit bien se vendre et peut-être qu'en replay elle fonctionne très bien. Oui, bah après, Agent of Shield a été renouvelé et clairement je pense que l'une des raisons du fait qu'elle soit renouvelée, vu les audiences quand même qui sont basses aussi, c'est qu'il y a des films et que les films interagissent directement avec la série. C'est-à-dire que les conséquences des films... Oui. Les conséquences sont directement sur la série. Alors que Agent Carter, oui. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de conséquences, puisque ça se passe dans le passé. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué pour elle d'avoir une saison 3. Il y a autre chose qui rentre en compte, c'est que Agent Carter, c'est une série, il faut l'avouer, bouche-trou de la mi-saison, quand Agents of S.H.I.E.L.D. est en pause. Ouais. Du coup, il y a peu d'épisodes. Là, sur les deux saisons, il y a 16 épisodes. Hein. Bien sûr. Mais bon, c'est Carter, une série intéressante aussi. Moi, je pense qu'une série n'a pas besoin de 22 épisodes. Je suis d'accord, mais j'ai pas fini mon argument, en fait. Mais du coup, il y a peu d'épisodes, alors que Agents of S.H.I.E.L.D., il y a 22 épisodes par saison, et elle a été renouvelée... Dès que la saison 3 a commencé, tout le monde avait peur que ce soit la dernière parce que les audiences n'étaient pas terribles. Dès le début de la saison, j'ai dit, vous verrez, il y aura une saison 4, juste pour qu'on atteigne autour des 80 épisodes, qui est pas loin des 100 épisodes, qui est la marque des ventes en syndication, pour se faire plus de blé. Et c'est uniquement pour cette raison que Agents of S.H.I.E.L.D. a été renouvelé. Pas uniquement, c'est exagéré de dire ça, mais c'est l'une des bonnes raisons pour laquelle Agents of S.H.I.E.L.D. a été renouvelé. Et à mon avis, ce sera la dernière saison, la quatrième, puisqu'on s'approchera des voire peut-être une cinquième dernière saison pour vraiment avoir 100 épisodes. Mais la quatrième a de fortes chances d'être la dernière. Et en plus, il y a une chose qui compte aussi, c'est que certes, Agents of S.H.I.E.L.D. et John Carter n'ont pas de grosses audiences en termes de public, de spectateurs, hein, mais Agents of S.H.I.E.L.D. a la chance quand même d'avoir sur la cible un fort taux. Il y a peut-être peu de spectateurs qui regardent Agents of S.H.I.E.L.D. Mais parmi ces spectateurs, il y en a beaucoup qui sont dans la tranche préférée des annonceurs des 18-40 ans. Oui, non, mais je suis... Alors que Agents of Carter, c'est pas du tout le cas. Le final a fait, je sais plus le chiffre exact, mais c'est en dessous du 1, de la cible, du taux 1 sur la cible. Je crois que dans mon souvenir, le final des Agents of Carter a fait 0,69. Qui est ridicule. Donc ça rentre aussi beaucoup en compte. Peut-être même parfois, c'est peut-être ce qui peut te faire basculer la série vers le renouvellement ou l'annulation. Ça peut être aussi le taux sur la cible qui est malheureusement très faible pour Agent Carter. En plus, avec le changement de direction chez ABC, c'est pas sûr qu'ils aient envie de la garder. Ça, je ne dis pas le contraire. Donc j'ai envie de dire... On verra bien qu'est-ce qui nous réserve. Ouais, je pense qu'on ne saura pas avant le mois de mai. Voilà, mais nous croisons les doigts. Oui, il nous faut cette saison 3, même mini-saison 3. On aurait peut-être bien parlé un peu avant, mais on va peut-être aborder la dernière partie, c'est-à-dire que même s'ils ne l'ont pas fait avec Jarvis, ils ont quand même introduit un triangle amoureux cette saison. Oui, qui n'est pas non plus déplaisant, je trouve. Ah non, mais moi, ils sont pas trop forcés dessus. Ça revenait pas à chaque épisode. Enfin, on va peut-être le dire, c'est Peggy Carter, surtout sur la fin, mais Peggy Carter, Jason Wilkes et Daniel Souza. Exactement. Et oui, et je trouve que c'était plutôt bien fait. Et bien sûr que je voulais qu'elle finisse avec Souza et pas Wilkes. Ah je pense que personne ne voulait qu'elle termine avec Quix. Après, je trouve que dès l'épisode 7, on le sait, ça reste assez clair. Oui. Enfin, même avant, en fait, je pense que dès l'épisode où la fiancée de Souza le quitte, on s'assoit, elle est jalouse du fait qu'il va peut-être épouser une autre. Lui, on sent qu'en la revoyant, ses sentiments reviennent et qu'il l'a pas oublié. Il y a, voilà, ils ont introduit, on va dire, un élément extérieur pour perturber le truc, histoire de dire on va pas les mettre ensemble dès le premier épisode, ça serait un peu trop gros. Oui. Ils se sont dit on va peut-être mettre un nouveau love interest pour Peggy. En plus, un homme noir, donc ça a pu aborder le sujet du racisme, qui d'ailleurs, j'en avais parlé au premier podcast, mais n'a pas vraiment revu le jour depuis, ce qui est dommage. Oui, c'est vrai. Contrairement à la saison 1, où ils ont bien insisté sur la condition de la femme, le machisme et tout ça, là, beaucoup... Bah, ils en ont parlé dans un épisode au début de la voilà, saison, bah, où il raconte son histoire, mais c'est pas le... Je pense que c'était important pour eux de le mentionner, parce que c'est les années 50, et ils ont un noir dans le casting, donc forcément, la question doit être abordée, mais la série a toujours parlé de la condition des femmes, du féminisme. Dans la saison 1, il n'y avait que Peggy Carter et un petit peu Dottie Underwood. Mais là, dans cette saison 2, ils avaient la méchante, la Whitney Frost, qui était au cœur de ça, qui en plus est une actrice. Donc, c'est une actrice qui, donc, dans les années 50 encore plus, considérée comme un objet pour l'époque. C'est, elle doit absolument être belle, la plus belle pour être bien dans le film. Elle doit paraître belle et jolie et jeune, surtout jeune, pour avoir plein de rôles. Et donc ça rentre pile poil dans leur sujet. Donc ils étaient obligés de parler de la question raciale, mais oui, c'est pas leur intérêt principal. Oui, non, mais je suis d'accord, c'est juste qu'ils l'ont fait dans le deuxième épisode, je crois, ou un truc comme ça, deux ou troisième, et puis après ça a été plus du tout abordé. Bon, ils ont abordé d'autres sujets et c'était plus vraiment dans... Et après, c'était plus vraiment ça, oui, parce qu'il aborde la question parce qu'il raconte son parcours à Peggy. Par la suite, je vois pas trop comment ils auraient pu l'aborder dans le déroulement des intrigues. Oui, non, mais bien sûr, je suis d'accord. Mais bon, voilà, donc on va dire que le personnage était quand même intéressant de l'introduire, oui, et de lui donner un love interest à Peggy qui perturberait la relation de Peggy et Souza. Et au final... Et ben, il finit avec César, et donc on est content. Oui. Voilà, je pense que c'était la scène que tout le monde a attendue depuis la saison 1, et plus particulièrement saison 2. Parce que la saison 1 était quand même très marquée encore par Captain America, elle avait encore en tête. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que dans cette saison 2, il n'a même pas été évoqué une seule fois. Non, elle... Enfin... qui montre qu'elle est vraiment passée à autre chose. Et qu'elle a évoqué un petit peu... Enfin, c'est sous-entendu. Genre dans l'un des derniers épisodes, c'est sous-entendu... Je sais plus exactement quoi, mais une fois ou deux, ils en parlent. Et, enfin, quelqu'un parle d'un problème émotionnel qu'il a eu. Et elle dit je connais le sujet. Et, enfin, il y a une ou deux références comme ça, sous-entendues. Ouais, mais ils en parlent... Déjà, le nom n'est plus cité. Alors qu'en saison 1, elle cite elle-même Captain America. Oui. Donc là, elle ne le fait plus. Donc oui, tu as raison. Ça elle marque est... un... Autre chose, elle, un est... Cap, elle est passée à autre chose. Elle a compris que... Non, mais elle est prête à s'ouvrir à nouveau, qu'elle a une nouvelle relation. Voilà. Et puis, bah, enfin, voilà, c'était vraiment le chip du truc qu'on attendait, ouais, qu'ils finissent ensemble avec Souza. C'est dommage parce qu'il aura fallu attendre les dernières minutes pour les voir, entre guillemets, se jeter l'un sur l'autre. Mais voilà, c'est la scène qui fait sourire et qui nous dit qu'on n'a pas envie de quitter Agent Carter aussi. Non, on veut pas. On veut une saison 3 ABC. Voilà. Je pense que je voudrais juste dire un dernier mot, peut-être avant de terminer, et faire un clin d'œil au début de l'épisode 9, où il y avait une séquence musicale. Ah oui. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil et que j'ai trouvé très sympa, avec le retour de je ne sais plus comment s'appelle l'actrice. Lindsay Fonseca. Voilà, c'est ça, Lindsay Fonseca qui jouait dans la saison 1 et qui n'apparaît pas dans la saison 2, mais juste pour ce petit numéro, on va dire, musical. Et ouais, voilà, bah, j'ai trouvé que c'était une original, ouais. Ouais, une parenthèse originale et... Une parenthèse douce et originale qui fait plaisir. Bien. Ouais. Une belle conclusion. Maintenant, bah, on espère que ce sera une vraie conclusion et qu'il y aura une saison 3. Je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus. Oui, même si ça semble mal barré. Chut, tu as porté la poste. Et pour ça, il faudra guetter les news dans les semaines à venir. Exactement. J'imagine que vous en avez terminé. Exactement. Oui. Bien, ben je n'ai rien entendu de ce que vous avez dit, donc c'est cool. C'est parfait. Je pourrais écouter un podcast de Comic Stories après avoir vu la saison. C'est cool. Bien, et bien il nous reste à donner les rendez-vous, les rendez-vous à venir. Et voilà. Donc les rendez-vous prochains, c'est mardi pour le MAG du 15 mars 2016. Et puis jeudi prochain, on se retrouve pour le 45e sur nos écrans qui, lui, traitera d'Heroes Reborn. Donc autant dire qu'on ne vous verra pas tous les deux. C'est clair que non. D'ici là, bonne série évidemment. Et puis à bientôt. Salut. Au revoir.